Chapitre 4. Dès que je fus rétabli, mon père, ne voulant pas m'exposer au péril hygiénique de l'internat, me fit suivre les cours d'un lycée. Le soir, un répétiteur, un de ses clients, consentit à me donner des leçons. J'étais bien doué. J'avais l'imagination de ma mère, sa curiosité des choses de l'intelligence. En même temps, par un équilibre atavique assez remarquable, je possédais l'esprit d'ordre de mon père. Mon professeur appelait cela la faculté serrière. Et en vérité, l'expression était juste. Qu'il s'agît d'un travail littéraire ou d'une opération mathématique, il fallait toujours que je procédasse systématiquement, avec méthode, commençant toujours l'édifice par la base et superposant symétriquement les matériaux. À toute énonciation, je répondais par une question, puis par une autre, jusqu'à ce que je me sentisse appuyé sur un fond solide. Alors seulement, je permettais à l'imagination, à l'invention même, d'entrer en scène. De plus, je conservais au plus profond de moi-même cette notion de volonté à laquelle je savais devoir la vie. Par un instinct singulier, chez un jeune homme, encore presque un enfant, je ne le gaspillais pas. Au contraire, je l'emmagasinais, je l'économisais, pour le moment venu, la projeter tout entière avec une impulsion irrésistible vers le but visé. Je donnais à mon père, par mes succès universitaires, les seules joies qu'il ait éprouvées depuis la mort de ma mère. En seconde, je remportais au concours général un premier prix de version latine. Là encore, ma volonté était intervenue dans des conditions intéressantes. Le texte donné était de Tacite. Je l'avais traduit, pour ainsi dire, au courant de la plume, à l'exception d'un membre de phrase de 4 mots, très obscur, et par sa concision et par l'allusion qu'il contenait à un fait historique peu connu. Je ne m'en préoccupais pas autrement et je pensais à autre chose, écrivant des vers ou bien maniant à satiété les stupéfiantes combinaisons qui se peuvent tirer d'une simple table de Pythagore. Tout à coup, on donna le premier signal, indiquant qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure pour la remise de la copie. Je me mis aussitôt à recopier mon brouillon de ma plus belle main, quand je m'aperçus que les 4 mots en question restaient toujours inexpliqués. On donna le second signal plus que 5 minutes. Alors je compris que sans être complétée, ma version n'était bonne qu'à être jetée au panier. Il y eut en moi comme un choc électrique. Puis instantanément, je ne me sentis plus vivre que par un point, la tension profonde, aiguë plutôt, qui se portait sur la phrase de Tacite. En même temps, j'en eus la conscience complète, une impulsion de tout mon être concentra ma force vitale sur l'énigme, et les mots translatés jaillirent sous ma plume, sans que je me rendisse compte de leur correction. Je remis ma copie sans la relire. Quand je me levai, j'étais étourdi et eus quelque peine à marcher droit. J'étais même si pâle que mes camarades me raillèrent à cause du trac qu'il me supposait. Quelques minutes après, sortant de la salle Gerson, l'air avidement respiré me rendait mon équilibre. Je me rappelais les mots latins, la traduction, c'était la perfection même. J'eus le prix. Mon père, qui estimait au plus haut point l'instruction universitaire, m'embrassa avec plus d'effusion que de coutume. Et pourtant, je ne pus m'empêcher de remarquer combien son étreinte manquait de cette tiédeur enveloppante qui avait caractérisé naguère les caresses de ma mère. Hélas, ce baiser-là aussi allait me manquer. Le lendemain de la distribution des prix, mon père fit dans la rue une chute qui eut les conséquences les plus navrantes. Sa tête avait porté sur l'angle d'un trottoir et on le ramena à la maison inanimée. L'ébranlement cérébral avait été si violent qu'un épanchement s'en était suivi. Dans la nuit, l'agonie survint. J'étais auprès de lui comme autrefois il avait été auprès de moi, au moment où la vie allait m'abandonner. Et dans un élan instinctif, je lui criai, répétant ses propres paroles. « Je t'en supplie, père. Cher père, fais un effort, réagis, aie la volonté de vivre. » Il tourna vers moi, ses yeux atones et vitreux. Il me sembla aux contractions de sa lèvre qu'il fit un effort. Mais un souffle rauque, brusquement coupé, sortit de sa poitrine. Il était mort. Bien souvent, je me suis reproché depuis lors de n'avoir point substitué ma volonté à la sienne, et de n'avoir pas contraint sa vie à m'obéir. Mais dans l'exercice de ma volonté, je n'étais pas encore assez maître de moi pour m'abstraire des instincts purement réflexes. Mon premier mouvement avait été de lui adresser l'adjuration qui m'avait sauvé moi-même. J'avais mal agi en dehors de toute méthode. Je le sais maintenant.